franceinter.com. Prendre aux riches pour donner aux pauvres. C'était l'un des objectifs poursuivis par ces curieux Robin des Bois qu'étaient les Tupamaros uruguayens des années 60 et 70. Une guérilla parfaitement originale en Amérique du Sud et qui a d'ailleurs commencé par ridiculiser le pouvoir en place à Montevideo en mettant les rieurs de son côté. Action spectaculaire, imaginative et généralement pacifique. Pendant les premières années de leur existence, les Tupamaros ont multiplié les initiatives contre un gouvernement conservateur sclérosé et corrompu par les puissances d'argent. Mais, nous a dit M. X la semaine passée, ça ne pouvait pas durer. La spirale de la violence a fini par l'emporter. Et d'abord parce que, très rapidement, les forces de police vont utiliser les pires méthodes contre ces guérilleros, à commencer par l'emploi systématique de la torture, une répression qui va être puissamment aidée par les États-Unis, obsédés par la contagion castriste sur le continent. C'est ainsi que, sous couvert de l'Agence pour le développement international, en 1969, un expert en interrogatoire, Dan Mitrion, est envoyé en Uruguay où il met immédiatement ses talents de tortionnaire au service de la police. Mais les Tupamaros l'enlèvent et en échange de sa vie demandent la libération d'un certain nombre de prisonniers. Cependant, sous la pression de Washington, le gouvernement uruguayen ne cède pas. Mitrion, sacrifié, est abattu par ses geôliers. Immédiatement, une violente campagne anti-Tupamaros se développe. Le prétendu fonctionnaire humanitaire Mitrion devient un héros. Et c'est maintenant l'armée uruguayenne qui va traquer les guerrilleros avec de gros moyens et une férocité inouïe. Retour donc sur l'histoire de cette guérilla pas comme les autres, dont l'un des premiers militants historiques, José Mujica, vient d'être élu à la présidence uruguayenne après avoir passé de longues années en prison et avoir connu, lui aussi, la torture. Une revanche unique sur un continent trop longtemps gangréné par la violence. Mais M. X va en reparler. Lo haremos tú y yo. Nosotros lo haremos, tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada y junto a la idea una bala asomada. ¿Y dónde el amor? Un grito escondido, millones de oídos serán receptivos. Su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil. Nosotros lo haremos, por luz la mirada. Tomemos la arcilla, es de madrugada. En 1971, les Robins des Bois ne font plus rire. Condamnés par le pape, présentés à l'étranger comme des bêtes féroces et des barbares, après l'assassinat de Dan Mitrion, les Tupamaros n'ont rien gagné dans cette affaire spectaculaire. Surtout que le rôle de Mitrion est longtemps resté méconnu. Oui, c'est son rôle de tortionnaire. Ah, pour l'opinion, Mitrion était un travailleur humanitaire. Un point, c'est tout. Son exécution a donc été vivement condamnée un peu partout dans le monde et même en Uruguay, où pourtant les Tupamaros jouissaient de la sympathie de la population. En outre, non seulement les guérilleros n'avaient pas obtenu la libération de leurs camarades emprisonnés, mais l'enlèvement de Mitrion avait donné lieu à de multiples rafles et perquisitions. et d'autres Tupamaros, dont leur leader historique, Raoul Sendich, avaient été arrêtés. Seul point positif pour les guerrilleros, si l'on peut dire, ils étaient maintenant connus dans le monde entier. Ouais, mais ils étaient moins populaires chez eux. Et ce revirement n'a pas traîné. Il a été observé dès les premières rafles opérées par la police et l'armée. Des citoyens uruguayens ont commencé à coopérer en donnant des indications à la police. Et alors, parallèlement, m'avez-vous dit au cours de notre dernier entretien, c'est la ligne dure du mouvement qui va l'emporter. La tendance qui privilégie la lutte armée, oui. Et bien sûr, ce durcissement existe aussi au niveau du pouvoir qui obtient du Congrès l'autorisation de suspendre provisoirement les garanties constitutionnelles. Et c'est une première dans ce pays qui a été longtemps, je vous le rappelle, un havre de tolérance et de démocratie. Donc la répression s'accroît. Et l'engagement états-unien également. À Washington, on n'est plus que jamais décidé à lutter contre la subversion en Amérique du Sud. Et c'est Nixon qui est au pouvoir. Et son principal conseiller, Henry Kissinger. 1970, c'est aussi l'arrivée à la tête du Chili de Salvador Allende. Et pour les deux Américains, c'est une véritable provocation. Ouais, ils n'auront de cesse d'essayer de le renverser. Ce qu'ils réussiront en 1973, oui. En attendant, ils s'emploient donc un peu partout en Amérique du Sud à juguler l'influence des mouvements de gauche. Et en Uruguay, on assiste à une véritable ingérence dans les affaires intérieures de ce pays. Il faudra attendre l'élection de Jimmy Carter à la Maison-Blanche pour que ça s'arrête. Ouais, Jimmy Carter, le puritain, l'humaniste. Ouais, mais qui est effaré par ce qu'il apprend. Et en particulier à propos de l'implication américaine dans les violations des droits de l'homme et les exactions commises par le pouvoir uruguayen. Bon, revenons au tout début de la décennie 70. Une observation d'abord. Les organisations de gauche ou d'extrême gauche d'Amérique du Sud essaient d'unir leurs efforts et créent même une esquisse de coordination, la JCR, son acronyme en espagnol. Et au fond, les militaires ne feront que les imiter, un peu plus tard, en mettant en place le fameux plan Condor, qui aura d'ailleurs rapidement raison de cette JCR. Mais restons en Uruguay, malgré l'accroissement de la répression, est-ce que les Tupamaros poursuivent leur action ? Naturellement, car ils sont encore très forts. Ils regroupent toujours plusieurs centaines de militants et malgré la détérioration de leur image après l'affaire Mitrione, ils disposent encore d'un solide réseau de soutien. Et leur aura de romantisme révolutionnaire ne s'est pas encore dissipée. En même temps, si la ligne dure semble l'avoir emportée, il existe dans le mouvement des gens qui préféreraient jouer le jeu de la confrontation légale. C'est ainsi qu'on voit apparaître le Frente Amplio. Ouais, le front large. Un parti qui, beaucoup plus tard, sera appelé à connaître un grand succès puisqu'il triomphera en 2005 et que le nouveau président, José Mujica, en deviendra son leader. Mais là, au départ, qu'est-ce que c'est que ce Frente Amplio, là ? C'est la tentative de réunification de tous les partis de gauche sous la houlette d'un général, Liber Sereni, qui a démissionné de l'armée afin de protester contre la répression étudiante en 1968. Alors, au fond, les Tupamaros veulent se donner une vitrine légale, enfin, comme on dit en Corse. Il y a de ça, oui, mais la plupart des dirigeants des Tupamaros, partisans de cette initiative légaliste, ont déjà été emprisonnés. Leur influence sur le mouvement est par conséquent restreinte. Et chez les militants encore en liberté, on penche plutôt pour la manière forte. Oui, donc les actions de guérilla. Oui, ça se comprend aisément, car de plus en plus, et Tupamaros pense non sans raison, que l'armée finira par s'installer au pouvoir. Ouais, ce qui arrivera. Hein. Mais c'est une des questions que l'on discute toujours en Uruguay. Ces Tupamaros radicaux, en continuant la lutte armée, n'ont-ils pas fourni un prétexte aux militaires ? Oui, mais enfin, ces militaires-là, avaient-ils vraiment besoin d'un prétexte ? Enfin, c'est quand même dans ces années-là qu'on va assister dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud à la prise du pouvoir par l'armée. Ouais, vous avez raison, et je vous l'ai dit, le débat reste ouvert, quoi qu'il en soit. Voyons en quoi consiste la lutte des Tupamaros en ces premières années de la décennie 70. Ils procèdent toujours à des enlèvements. Au début 1971, l'une des victimes de cette campagne de rapt politique est par exemple l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Uruguay, ah oui, Geoffrey ouais. Judson. Le diplomate va passer 8 mois dans ce que les Tupamaros appellent une prison du peuple avant d'être finalement libéré. Sain et sauf. Oui. Et quelques années plus tard, Jackson relatera dans un livre son incarcération. Un curieux document. Oui, pourquoi ? Parce que l'ambassadeur, farouchement conservateur, reconnaîtra que certains de ses geôliers ont fait preuve d'humanité. Oui, mais ça, c'est le syndrome de Stockholm. Hein. Oui, peut-être. Moi. Mais il écrira aussi que l'idéologie des Topamaros, nourrie de la lecture de Sartre et Camus, équivalait à un désir de mort. Pauvre Camus. En effet. Bon, ben, passons. Toujours, en 1971, d'autres personnalités sont enlevées. Le procureur général, des industriels et aussi un banquier, ancien ministre et gros propriétaire terrien. Ça, c'est toujours pour le symbole. Hein. Mais pendant ce temps-là, des Topamaros appartenant à une autre colonne préparent l'une des opérations les plus spectaculaires jamais entreprises par les guérilleros. Mais quoi, là ? Une évasion massive. Ça s'est passé en septembre 71 à la prison Punta Carretas. Et l'opération a été minutieusement préparée à l'intérieur comme à l'extérieur. À partir d'une maison voisine de la prison, des Topamaros ont creusé un tunnel à 3 mètres sous terre, tandis que les prisonniers faisaient de même. Ah oui, et les deux tunnels se sont rejoints. Mais pour que l'évasion réussisse, il fallait aussi paralyser ou détourner les forces de police. Aussi, les Topamaros ont-ils provoqué des émeutes dans des quartiers éloignés de Montevideo. Simultanément, des guérilleros avaient coupé des rues et jonché de clous les chaussées afin d'immobiliser les véhicules de police. Ah oui, alors, et le résultat a été à la hauteur de cette préparation ? En effet, une centaine de Topamaros, dont leur chef historique, Raoul Sendic, ont pu fuir. Grave déconvenue pour le pouvoir, ça. Et un nouvel épisode qui le ridiculise. C'est pourquoi il réagit avec une grande résolution en confiant aux forces armées la responsabilité de la lutte contre la subversion, ainsi qu'on nomme le combat contre les Topamaros. Et d'une certaine manière, cette mainmise de l'armée équivaut à un premier putsch. Oui, mais si j'ose dire, un putsch légal. Tout à fait. En tout cas, dans ce pays à la longue tradition démocratique, les militaires se sentent de plus en plus forts. Et d'une certaine façon, les élections qui se déroulent à la fin de l'année les confortent. Car le Frente Amplio, le front large, même s'il fait une percée honorable dans l'électorat, est désavoué par 80% de la population. Au profit des partis traditionnels. Alors même que pour ne pas gêner les candidats du front large, les Topamaros avaient décidé une trêve. En tout cas, c'est un représentant du courant le plus conservateur du parti Colorado, Juan Maria Bordaberry, qui est élu président. Et au sein des Topamaros, j'imagine que le courant légaliste est encore affaibli. Ah bah forcément. D'ailleurs, les leaders historiques l'ont bien compris. Ils s'effacent et retournent à la base. Ils laissent la place donc aux plus durs. Ah, des durs qui, face aux moyens toujours plus puissants utilisés par l'armée, vont être obligés d'inventer de nouvelles formes d'action. Rendez-vous avec X. Retour sur un ouvrage déjà cité dans la première partie de cet entretien consacré aux Topamaros, La mécanique infernale de Matthew Carr, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. L'auteur note, je le cite, « Peu d'organisations de guérilla urbaine furent plus influentes que les Topamaros qui répandirent une image positive et romantique de la guérilla à la fin des années 60 et au début des années 70. Leurs exploits étaient célébrés dans les bandes dessinées populaires du Mexicain Ruiz et ils étaient cités comme exemple tactique par des organisations aspirant à la guérilla urbaine en Europe et en Amérique du Nord. Mais alors que leur réputation de Robin des Bois continuait de se répandre, les Topamaros s'avançaient vers leur propre destruction. Quelles sont ces nouvelles formes d'action ? Les Topamaros, jusqu'alors, ont privilégié la guérilla urbaine, ce qui a permis aux forces de l'ordre de leur porter des coups très durs. Ouais, les rafles. Oui, aussi veulent-ils alléger la charge qui pèse sur ces militants des villes. Et un peu à la manière des Cubains ou des combattants du Viet Cong, certains migrent vers les campagnes. Ah ben c'est une sorte de retour aux sources, puisque le mouvement était né dans les années 50, c'est vous qui m'avez dit, chez des coupeurs de canne à sucre. Effectivement, oui. Et comme les communistes vietnamiens, ils s'enterrent en creusant des kilomètres de galeries. Pour échapper aux recherches de l'armée. Oui, oui, ce sont de véritables ouvrages d'art. Des casernes souterraines avec dortoirs, dépôts de vivres, hôpitaux et même des stands de tir. En même temps, toujours à la campagne, ils mènent des actions symboliques en occupant de grandes propriétés terriennes. Mais leur action est ternie par une bavure. L'exécution d'un paysan qui, croyait-il, était en mesure de dénoncer l'une de leurs caches. Mais il n'en était rien. Non. Et les Tupamaros, pour se justifier, prétendront ensuite que c'est un traître infiltré dans leur rang qui a commandité cet assassinat. Vrai ? Écoutez, je n'en sais rien. Mais ce malheureux épisode n'a guère permis de rehausser leur prestige dans les campagnes. Toutefois, il est déjà évident que face au rouleau compresseur de l'armée qui emploie les grands moyens, le combat des Tupamaros apparaît perdu d'avance, malgré l'imagination dont font preuve les guérilleros. Le survol permanent des hélicoptères leur interdit tout déplacement de jour, et le quadrillage des villes par l'armée réduit presque à néant leurs actions urbaines. D'autant que le président Bordaberry a déclaré l'état de guerre civile et que les militaires ont maintenant les mains libres pour agir comme ils l'entendent. Oui, mais ça se traduit comment, ça ? Oh, les arrestations se multiplient et l'emploi de la torture devient systématique. Encore plus, quoi. Pour obtenir des aveux ? Et surtout des informations sur le mouvement. Et si j'ose dire, c'est une spécificité uruguayenne. On verra que sous d'autres régimes dictatoriaux établis en Amérique du Sud, les militaires au pouvoir n'auront rien de plus pressé que d'exécuter leurs prisonniers. Ce n'est pas le cas en Uruguay, qui devient alors un véritable laboratoire de la torture. Et qui fera école dans d'autres pays du continent. Et si malgré tout il y a des assassinats, ils sont beaucoup moins nombreux qu'en Argentine ou au Chili, et sont plutôt le fait des escadrons de la mort, qui ont été mis en place avec la collaboration de l'armée. Et alors, concrètement, cette politique de répression donne des résultats ? Oui. Fin 1972, on peut considérer que l'appareil logistique des Tupamaros est pratiquement démantelé. Des centaines de guérilleros ont été arrêtés et Raoul Sandich, lui-même, grièvement blessé au cours d'un affrontement avec l'armée, est à nouveau emprisonné. José Mujica, le président élu en 2009, fait aussi partie de cette fournée de militants appréhendés. Et comme ses compagnons d'infortune, il sera torturé à plusieurs reprises. Les militaires ont donc gagné. Ah, mais ils n'entendent pas retourner dans leur caserne. Et malgré les manifestations organisées par le Front Large, le président Bordaberry s'empresse de se soumettre. En 1973, il dissout le Parlement et place le pays sous l'autorité d'un Conseil national de sécurité dont il prend la tête. Mais ce subterfuge ne fait guère illusion. En Uruguay, chacun sait que le véritable pouvoir appartient à l'armée. L'armée qui a donc perpétré là un nouveau putsch. Et en 1976, les généraux mettront fin à cette fiction en se débarrassant de Bordaberry et en se constituant en junte. Alors là, c'est la fin officielle de la démocratie. Et bien avant, le Front Large a été interdit. Les leaders ouvriers, des milliers de travailleurs syndicaux et le général dissident Serigny, l'un des principaux dirigeants de l'opposition, ont été jetés en prison. En 1976, un rapport d'Amnesty International accusera l'Uruguay de détenir le plus fort taux de prisonniers politiques au monde. Plus grave encore, les conditions d'enfermement sont épouvantables et certains détenus sombreront dans la folie. Alors, il s'agit donc là d'une dictature totale. Oui, oui, ouais. Les militaires uruguayens se sentent d'autant plus forts que dans d'autres pays du continent, leurs homologues se sont aussi emparés du pouvoir. En Bolivie, au Chili, au Brésil. Et bientôt en Argentine. Hein. Et au Paraguay. Il y a longtemps que Stroessner régnait d'une main de fer sur ce pays. Cette connivence entre militaires sud-américains va aboutir à l'élaboration du plan Condor, une vaste coordination entre les polices et les armées de ces pays régis par des dictatures. Un plan dont la réalité a été découverte un peu par hasard. Vous vous en souvenez ? Oui, on en a parlé, mais rappelez-moi quand même. En 1992, Martin Almada, un avocat paraguayen, un peu curieux, trouve dans un commissariat désaffecté de la banlieue d'Ascension des tonnes d'archives. Vraiment par hasard Pas tout à fait, parce que cet avocat cherchait. Il a trouvé, et sa découverte a dépassé de loin tout ce qu'il imaginait. Car il y avait là des milliers de lettres, de documents, de fiches, et même des cassettes audio, des cassettes d'interrogatoire. Un interrogatoire de détenus. Oui, ouais. Almada avait soudain la preuve qu'il avait bien existé une internationale du crime politique dans le cône sud du continent. Ces archives de la terreur, comme on les a appelées, étaient accablantes. Et elles permettaient de remonter à la genèse de cette sainte alliance des bourreaux, c'est-à-dire le plan Condor. Je dois aussi vous dire qu'il n'y avait pas que des archives dans ce lieu désaffecté. Mais quoi d'autre encore ? Des cadavres. Des cadavres de détenus dissimulés dans une fosse. On pense qu'il s'agit peut-être des corps des hommes qui avaient construit le bâtiment. Ah oui, alors qu'on a fait disparaître ensuite pour préserver le secret. Vraisemblablement. Mais c'est quand même étrange que ces archives n'aient pas été détruites. C'est vrai. Alors, l'explication ? C'est sans doute que les policiers paraguayens, surpris par la chute de la dictature de Stroessner, n'en ont pas eu le temps. Ils ont simplement déposé de la chaux vive sur les papiers. Et ça n'a pas suffi à les faire disparaître. Autre fait curieux, au cours du transport de ces documents, certaines pièces ont été égarées. Et pas n'importe lesquelles. Bah, c'est-à-dire D'après des témoins dignes de foi, qui ont vu ces archives au commissariat, là où Almada les a trouvées, des documents impliquant les États-Unis ont disparu. Ah ouais, je comprends. Là. Pas perdu pour tout le monde. Évidemment. Toutefois, en 2000, la déclassification de certains documents de la CIA a permis de reconstituer une partie du puzzle et de mettre en évidence que l'initiative de ce plan revient à un proche de Pinochet, le général Manuel Contreras Sepúlveda, chef de la redoutable police secrète chilienne, la DINA. Un personnage qui entretenait des rapports très étroits avec les services américains, puisqu'il a été rétribué par la CIA au moins jusqu'au milieu des années 70. Mais rappelez-moi, comment fonctionnait cette coopération entre les dictatures ? Le principe du plan Condor était très simple. La coopération entre les forces de sécurité des cinq pays du cône sud devait permettre de lutter avec efficacité contre l'ennemi commun, la subversion. Dans les ambassades respectives de ces pays, on constitue donc des cellules spéciales uniquement chargées de cette tâche. Bien sûr, ces structures sont secrètes. Ah, mais leur véritable mission ne doit pas apparaître. Non. Et on prétend que ces militaires ou ces policiers détachés dans les ambassades sont par exemple chargés de lutter contre les narcotrafiquants en collaboration avec leurs homologues du pays. Ah, une couverture. Ça veut dire en tout cas que pour ces hommes qui traquent les opposants de gauche, il n'y a plus de frontières. Les agents chiliens peuvent intervenir en Argentine ou en Uruguay. Et la réciproque est vraie. C'est un véritable réseau qui a été créé par le biais de ces attachés d'ambassade. Mais vous avez des exemples de coopération ? Ils sont innombrables. Prenons le cas d'un militant argentin, Jorge Alarcón. Il est arrêté par des policiers paraguayens. Mais son interrogatoire est effectué en présence d'Argentins. Et finalement, il est remis à la DINA, la police secrète chilienne du général Contreras. On ne le reverra jamais. Il y a aussi le cas beaucoup plus tardif de celui qu'on a appelé le chimiste de Pinochet, Eugenio Berrios. Devenu trop gênant, il a été assassiné en Uruguay. Et symétriquement, des exilés politiques uruguayens seront assassinés en Argentine. Vous voyez donc que la coopération est totale. Oui, et puis il s'agit aussi de brouiller les pistes. Certainement. Comme dans ce roman policier où deux meurtriers qui vivent très loin l'un de l'autre échangent leurs victimes. Ouais, je tue pour toi, tu tues pour moi. C'est ça. C'est ça. Ils disposent donc tous les deux d'un parfait alibi. Ils sont en outre insoupçonnables puisqu'ils ne connaissaient pas leurs victimes. Exactement. Le résultat, c'est qu'il va exister une véritable interconnexion entre toutes ces polices et la constitution d'un gigantesque fichier, ces archives de la terreur. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Nouveau retour en arrière avec Alain Labrousse, grand connaisseur de l'Uruguay. Il y a vécu à l'époque où les Tupamaros étaient en pleine activité. Dans son ouvrage « Les Tupamaros, des armes aux urnes », il propose cette analyse de l'état d'esprit de l'armée uruguayenne. Le 16 avril 1972, le Parlement vota à la demande du gouvernement l'état de guerre interne et la suspension des garanties individuelles pour 30 jours, ce qui impliquait notamment que les détenus soient jugés par la justice militaire. Dès lors, l'armée commença à soumettre systématiquement les prisonniers à la torture, qu'ils soient Tupamaros, membres du reste de la gauche ou syndicalistes. Le général Serigny estime que plusieurs éléments expliquent cette dérive des militaires au cours des années précédentes. L'exclusion progressive de l'armée de tous les éléments légalistes, l'adoption de la doctrine de la sécurité nationale, voyant dans tout civil un ennemi potentiel, l'existence d'un esprit de corps qui s'est forgé dans la lutte contre les Tupamaros. Des documents secrets des forces armées montrait qu'elle se préparait à prendre progressivement le pouvoir. Si la torture fut généralisée, selon le principe qu'en torturant une personne, on en sauvait des milliers, seul un certain nombre d'officiers se spécialisèrent dans son usage. Le livre de Labrousse a été publié par les éditions du Rocher. En Uruguay, comme dans les autres dictatures d'Amérique du Sud, le plan Condor a fonctionné à plein. Et même en dehors du pays, puisque les assassins ont aussi frappé au cœur de Paris. À Paris, enfin, de quoi voulez-vous parler là? Le colonel Ramon Trabal, attaché militaire à l'ambassade uruguayenne, avait été chef des services de renseignement de l'armée. Il avait donc joué un rôle dans la sale guerre contre les Tupamaros. Mais il avait peu à peu évolué. Et sa nomination à Paris était en fait une mise à l'écart. Toutefois, ça n'a pas suffi à le mettre à l'abri. Quand on a appris qu'il commençait à se confier à des journalistes, il a été décidé de le liquider. Ouais, on est quand, là? En 1977. Et osons le dire, la police française n'a guère fait de zèle pour retrouver les tueurs. Mais les enquêteurs avaient sans doute des ordres. Venus de haut, de très haut? Pourquoi pas? Enfin, je n'en dirai pas plus. Alors, revenons en Uruguay sur le terrain. En 1984, enfin, l'étau se desserre. C'est-à-dire que l'armée cède du terrain. Mais il faut dire qu'une gigantesque manifestation de l'opposition leur a forcé la main. Des négociations avec les partis politiques sont engagées et quelques-unes des mesures autoritaires les plus impopulaires sont abolies. Est-ce que ça signifie retour à la démocratie? Un retour très progressif. Mais quand même, des élections libres sont organisées. Le Front Large, qui a été autorisé à y participer, obtient 20% des voix. Et peu à peu, les prisonniers politiques sont élargis. Les derniers, en mars 1985. Certains, dont les principaux chefs des Tupamaros, ont passé 13 ans en prison dans des conditions excessivement rigoureuses. Ont-ils quand même l'intention de reprendre le combat politique? Oui, et c'est assez extraordinaire. Dès le lendemain de leur libération, Sendich et les autres, dont Mujica, donnent une conférence de presse. Ouais, dès le lendemain, et que veulent dire alors? Elles annoncent leur volonté de se battre pour la démocratie, et dans un cadre légal. Et pour eux, seule la fondation d'une nouvelle démocratie pourra écarter la menace d'un retour des militaires. Mais c'est clairement, en tout cas, le renoncement à la lutte armée et clandestine. Oui. C'est en tout cas l'intention des plus anciens des Tupamaros qui entendent rassembler au sein de ce front large qu'ils ont créé bien des années plus tôt toutes les forces de gauche, sans exception. Ils le proclament 3 jours plus tard au cours d'un grand meeting tenu dans un stade au cours duquel José Mujica prononce un discours qui marque le vrai début de son ascension politique. Oui, mais si je vous ai bien entendu, tout le monde dans le mouvement hérité des Tupamaros ne se retrouve pas sur cette ligne. C'est vrai, car il existe une tendance dite prolétarienne qui prévoit un durcissement de la lutte des classes et par conséquent de futurs affrontements. Et Mujica en particulier s'efforcera de concilier les deux lignes antagonistes. Et ce danger militaire dont vous parliez là? L'armée est rentrée dans ses casernes et il ne montre aucun désir d'en sortir. Et ce n'est pas propre à l'Uruguay. Un peu partout sur ce continent si souvent livré aux dictatures, les militaires refluent et rentrent dans le rang. Mais auparavant, ils ont pris leurs précautions. En Uruguay comme ailleurs, ils ont usé de leur influence politique pour faire voter une loi leur garantissant l'impunité pour les crimes qu'ils ont commis. Ouais, ça, c'est plus prudent, hein. Et cette question de l'auto-amnistie va longtemps faire débat en Uruguay. Et la question n'est toujours pas réglée. Politiquement, c'est donc le retour à la démocratie. Certes, mais le pouvoir issu des élections conduit une politique ultralibérale qui se traduit par une augmentation du chômage et un appauvrissement de secteurs entiers de la population. Ce qui semble donner raison à la tendance la plus extrémiste des anciens Tupamaros. C'est certain. L'Uruguay traverse à nouveau une période tendue où plane la menace d'épisodes insurrectionnels. Et cette frange la plus dure du mouvement se prépare et gagne en influence. D'autant que le leader historique, Sendich, est décédé. Cette tendance organise donc des séances d'instruction militaire et un groupe se rend même en Libye pour acquérir des armes et s'entraîner. Parallèlement, ces extrémistes accompagnent les mouvements sociaux en tentant de les radicaliser. On assiste à nouveau à des occupations de terres ou à de violentes manifestations de rue. Comme dans les années 60, au fond. Et on atteint le paroxysme en 1994, quelques semaines avant une nouvelle consultation électorale qui pourrait être emportée par le Front large. Une coïncidence ou... Je ne crois pas. Car tant dans les milieux conservateurs qu'à l'extrême gauche, on est décidé à tout faire pour empêcher la victoire de ces anciens Tupamaros qui ont choisi la voie légaliste. Mais alors, que se passe-t-il ? Trois militants basques, membres de l'ETA, ont alors trouvé refuge en Uruguay. Mais l'Espagne demande leur extradition. Une demande acceptée par Montevideo. Aussitôt se manifeste un vaste mouvement de solidarité animé, entre autres, par le MNL, c'est-à-dire l'Organisation des Anciens Tupamaros. Oui, le Mouvement National de Libération, il faut le rappeler. En grève de la faim, les trois Basques ont été transférés dans un hôpital avant leur départ pour l'Espagne. Mais ils sont protégés par la foule des manifestants qui entend s'opposer à leur extradition. Et c'est l'affrontement. Oui. La police essaie de pénétrer dans l'établissement. Aussitôt, des pierres volent et la garde républicaine intervient et tire à balles réelles sur les manifestants. Il y a un mort et de nombreux blessés. Mais on a échappé au pire. Car on l'apprendra plus tard, de jeunes militants équipés de cocktails Molotov et d'armes à feu, stationnés à proximité, étaient prêts à se lancer dans la bagarre. Alors ça aurait été l'embrasement. Certainement. Quoi qu'il en soit, la réapparition de la violence produit les effets attendus. Lors du scrutin, deux mois plus tard, le Front large perd de justesse les élections. Et c'est pourquoi vous pensez, vous l'avez insinué, hein, qu'il y a eu une sorte de manipulation. Oui, en tout cas cet épisode de l'hôpital... Et l'échec électoral des forces de gauche permettent aussi une clarification à l'intérieur du mouvement des anciens Tupamaros. Mujica et ceux qui le soutiennent entament un virage radical et rompent avec les plus extrémistes. Les militaristes doivent accepter la voie légaliste ou s'en aller. Ce qu'ils font ? Non, la majorité se regroupe autour de Mujica. Mujica qui va jouer dès lors un rôle de plus en plus important. Mais il faut dire que Pepe, comme on l'appelle familièrement, n'est pas un homme politique classique. Très charismatique, ce personnage au physique débonnaire est issu du peuple et se conduit comme tel. Il mène une vie normale, parle vrai, et quitte rarement son jean et son blouson. Et peu à peu, parcourant le pays de long en large, il acquiert une grande popularité. Et parle-t-il de son passé Tupamaro ? Oh, il ne renie rien, mais se dit convaincu que l'avenir de l'Uruguay ne peut se jouer que dans les urnes. Et pour atteindre cet objectif, il est même prêt à avaler son chapeau. Ah bon, c'est-à-dire Lui, l'ancien guérillero, noue des contacts avec les représentants les plus radicaux de l'armée. Ah, mais dans quel but, là ? Il veut s'assurer qu'en cas de victoire de la gauche, l'armée ne bougera pas. Mais comment en être certain, hein ? Eh bien, Mujica, ça doit lui coûter, promet aux militaires qu'un gouvernement de gauche ne remettra pas en cause la loi d'impunité. Alors que lui-même... Et ses camarades ont été les premières victimes de ces militaires. Hein. Mais il le reconnaît lui-même. Pour gagner, il faut aussi savoir avaler les couleuvres. Et effectivement, bon, il va finir par gagner. Hein. Oui, mais enfin, pas tout de suite. En 2004-2005, le Front large, ce fameux Frente Amplio, hérité de la lutte des Tupamaros, remporte les élections législatives et présidentielles. Le leader du Front large, Tabaré Vázquez, un homme de la gauche modérée, devient le nouveau président. Et Mujica, hein ? Il est nommé ministre de l'Agriculture. Mais devenu un membre éminent du gouvernement, Il ne change rien à ses habitudes et affiche toujours la même simplicité. Et c'est assez naturellement qu'en 2009, au cours de l'élection présidentielle, il porte les couleurs de la gauche. Et il est élu. Eh oui. Et il a bénéficié du bilan positif de son prédécesseur, Vázquez, qui a su redresser l'économie malgré la situation catastrophique qu'il a trouvée en 2005. Mais il reste toujours une question préoccupante. Ouais, je vois la loi sur l'impunité accordée aux militaires. Profitant de quelques lacunes de cette loi, la présidence Vázquez a réussi à faire incarcérer quelques acteurs de la dictature, dont l'ancien président Bordaberry. Ouais, l'homme qui a ouvert les portes du pouvoir aux militaires. Mais une consultation référendaire sur l'abrogation de la loi a été repoussée par les Uruguayens. Ça, c'est un échec pour la gauche. Et les anciens Tupamaros. La vérité attendra donc encore. La vérité sur les exactions de l'armée, mais aussi sur les complicités états-uniennes et l'implication de cette sinistre école des Amériques où l'on a formé, selon les mots mêmes d'un sénateur américain, la plus répugnante assemblée de tortionnaires ayant les mains couvertes de sang. Et puis il faudrait aussi parler de la responsabilité d'hommes tels qu'Henry Kissinger. Ouais, conseiller de Nixon, puis secrétaire d'État. Et à ce titre, l'un des initiateurs du plan Condor. Des documents déclassifiés par la CIA l'attestent. En mai 2001, le juge d'instruction français Roger Leloir a profité d'une visite à Paris d'Henry Kissinger pour lui envoyer une convocation. Le magistrat voulait l'entendre en tant que témoin à propos de la mise en place du plan Condor. Mais l'ancien secrétaire d'État a quitté Paris sans déférer à la convocation du juge. Courage, fuyons. Oui, c'est à peu près ça. Une citation en guise de conclusion et un nouvel extrait du livre d'Alain Labrousse déjà cité. Pepe Mujica porte sur ses épaules les espoirs d'intégration de l'autre Uruguay, celui des paysans sans terre, des ouvriers agricoles sans statut, des habitants sans toit dans les quartiers insalubres. Mais, à la différence des tenants de la lutte des classes, il ne veut pas bâtir cette aspiration à plus de justice sociale en sacrifiant les classes moyennes et certains secteurs de la petite et moyenne bourgeoisie, mais au contraire, en les transformant en acteurs du changement. Prenant acte du fait que la société uruguayenne est l'une des plus urbanisées et des plus instruites de l'Amérique latine, Mujica vise à travers le développement de l'éducation et de la formation à faire des classes moyennes l'instrument de la transformation de l'Uruguay non seulement en un pays de services, mais également en un pays où l'intelligence constituera la principale valeur ajoutée à la production. Enfin, je vous signale, toujours à propos d'Amérique du Sud, l'ouvrage d'Alain Rouquier qui vient de paraître chez Albin Michel, « À l'ombre des dictatures, la démocratie en Amérique latine ». Un autre livre, bien sûr, le dernier ouvrage consacré au rendez-vous avec X, « Les grands espions du XXe siècle », coédité par France Inter. À samedi prochain, sur franceinter.com, vous pourrez communiquer avec nous et même réécouter cette émission. Merci à Valérie Ayestaraï, Michel Biou, Rebecca de Nantes, Stéphane Combe et Monsieur Djoub. Et tout de suite, après le flash, on va se balader. C'est au de mon amour de Denis Chessou.